Voilà une nouvelle extrêmement importante, un petit changement de paradigme. Elle nous provient encore du 223e meeting de l'American Astronomical Society qui a lieu en ce moment même et jusque demain à Washington DC. Je ne résiste pas à vous en faire part. Une équipe d'astrophysiciennes vient d'observer plus d'une centaine de galaxies naines qui possèdent toutes les caractéristiques indiquant qu'elles abritent un trou noir supermassif. C'est une découverte fondamentale. Cette découverte renverse une idée généralement admise jusqu'à présent, voulant que les galaxies naines sont trop petites pour avoir un trou noir supermassif central. De plus, cette très belle avancée peut permettre de résoudre la question épineuse de l'origine des trous noirs supermassifs des galaxies classiques et comment ils ont pu grossir dans l'univers jeune. Amy Raines, du National Radio Astronomy Observatory, le NRAO, qui a présenté cette étude, ajoute « Nous avons montré que même les plus petites galaxies peuvent avoir un trou noir supermassif et qu'elles sont plus nombreuses que ce que nous pensions avant. C'est vraiment excitant parce que ces petites galaxies apportent des clés sur l'origine des premières graines des trous noirs supermassifs. » Raines, associé à Jenny Green de Princeton et Marla Gea de Yale, ont analysé les données du Sloan Digital Sky Survey pour identifier plus de 100 galaxies naines montrant tous les signes d'un trou noir supermassif. Ces galaxies naines sont de la taille des nuages de Magellan, les galaxies naines qui côtoient notre galaxie. Alors que les plus grosses galaxies abritent des trous noirs supermassifs pouvant avoir des milliards de masses solaires, les galaxies naines observées ici possèdent chacune un trou noir d'environ 100 000 masses solaires. Il avait déjà été observé une corrélation directe entre masse du trou noir supermassif et bulbe central dans les galaxies classiques. Ce qui est toujours inconnu en revanche, c'est l'origine exacte des trous noirs massifs et supermassifs. Sont-ils des résidus d'effondrement d'étoiles ultramassifs de l'univers primordial ou bien le fruit d'un autre processus de collapse gravitationnel? La connaissance que les galaxies naines possèdent elles aussi un trou noir supermassif est sans doute un premier pas important vers la résolution de cette épineuse question.